Les éditions de l'avenir présentent le PC Show avec Paul Courtemèche. J'ai mal à la tête. Oh non! Allez-vous-en! Je suis pas là! Oh, ce n'est pas humain, ça! Mon très cher monsieur! Chut! Dis-moi! Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un dort? Non, j'ai mal au bloc. Migraine? Gueule de bois. Mon très cher monsieur! Chut, témoin, chut! Vous ne le méritez pas! Vous, de l'intempérance! Ce n'est pas de ma faute, ce journal. Comment? Chut, témoin! Parlez plus bas, vous me crucifiez. Comment? On m'a chargé d'écrire un article sur 36 sortes de bières. Ouf! Canadienne, américaine, européenne, microbrasserie, microbrasserie, pas de brasserie. Et alors? Oh, témoin, plus bas, plus bas. Et alors? Et alors, étant un journaliste intègre, ben, il m'a bien fallu les goûter. Toutes? Témoin, si vous ne cessez pas de hurler, je sais pas ce que je vous ferai, mais je trouverai quelque chose de douloureux et de silencieux. Et pour répondre à votre question, ben, oui, toutes. Mon pauvre cher monsieur. Je vous le fais pas dire. Salut mon polo, comment vas-tu? Moi, j'ai une pêche d'enfer. Mais dis donc, qu'est-ce que t'as? Tu as une mine épouvantable. Oh mon très cher monsieur, il souffre d'un mal de tête carabiné. Tu as certains excès alcooliques. Quoi? Quoi? Mon polo? La gueule de bois? Il faut lui pardonner, vous savez. C'est ce journal maudit qui le fait ainsi sombrer dans le péché. D'abord un club infâme, maintenant la boisson. Mais encore? Il semblerait qu'on lui ait demandé de goûter un nombre considérable de bières différentes. Messieurs... Et il l'a fait! Apparemment. Messieurs! Oui, oui, oui, oui, oui. Messieurs, si je n'avais pas si mal à la tête, il y a longtemps que je vous aurais claqué la porte au nez. Mais le bruit me tuerait. Aussi, je m'abstiens. Mais, de grâce, parlez plus bas. Mieux encore, allez parler ailleurs. Tu nous jettes dehors. J'en suis bien incapable. Ah, je me disais aussi. Ce n'est pas l'envie qui manque, mais les capacités. Et où en étions-nous? Ah ben, qu'est-ce qui se passe ici? Une veillée? Pas tout à fait, non. Ah, salut, mon scarce. Vénérez la gueule. Bonjour, monsieur Pépère. Comment allez-vous? Moi, j'ai une pêche d'enfer. Ah ben, tant mieux pour toi, mon gars. Moi aussi, ça va pas pire. Harry, pour bon dire, tant qu'il y a de la mine dans le crayon, ça peut juste bien aller. Et même à votre âge, de la mine, il y en a encore dans le crayon? Ah ben, mais ça, et puis pour rien qu'un petit peu à portion. Boss, well, mon hun. En parlant de mine, la tienne a de l'air boss que de job. T'as pas de l'air affilé, qu'est-ce que t'as? La gueule de bois. Quoi, quelques excès. Ben non! Eh oui! Malheureusement. Qu'est-ce qui s'est passé, mon hun? Tu bois pas? Son journal. Une dégustation de bière. Non! Eh oui! Malheureusement. Pour une bonne recette, moi, pour revenir du mal de feu, si ça t'intéresse. Dites toujours. Mais, baissez le ton, s'il vous plaît. Okidou. Ben, tu vois, tu prends un tiers de tasse de gin ou besoin de la vodka. Ta rotation est un tiers de tasse de jus de citron, là. Des vrais, là. Pas des tout effoirés d'avance, là. Pour finir, tu mets un tiers de tasse d'eau gazeuse. T'es un machin qui est pas buvable, là. Tu fais tout ça comme il faut, puis tu cales tout d'un coup. Y'a rien de mieux. On m'a dit qu'une petite cuillerée de bicarbonate mélangée au jus d'un demi-citron avec une demi-aspirine dans de l'eau légèrement sucrée faisait des miracles. Mon grand-père, pour sa part, s'en remettait toujours en ingurgitant un demi-litre de whisky au réveil. Oui, il était fait fort, mon grand-père. Mais, mon très cher monsieur, qu'avez-vous? Vous êtes tout vert. Je pense qu'il aura peut-être pas besoin de nos recettes, en fin de compte. Vous voulez dire? Ouais. Il va être malade comme un chien. I see you keep working, not to forget you say, for she goes on living for a while still, but your nights are in tears. Just one more time. C'était Paul de Christian Martin, interprété par Kael. Alors, mon Polo, ça va mieux? Ouais, un peu. Il me semble que t'as de l'air encore un peu vert, mon Ren. On devrait peut-être faire une prière. Oh, mon doux! Que s'est-il passé ici? Un accident? Plutôt une gueule de bois. Qui? Vous, très cher ami? Certainement, douce Artémise. Plutôt mon Polo, ici présent. Ah, mon doux! Vous êtes dans un état, monsieur Courtemèche, mais dans un état! Je crois qu'il est au courant, ma bien chère dame. Il a été malade comme un chien. Comme un chien. Oh, pauvre, pauvre monsieur Courtemèche. Avez-vous essayé du jus de citron dans de l'eau chaude? On m'a dit que c'était excellent pour ce que vous avez. Ou un peu de citrate de bétaïne. Ou encore 2 bons litres de thé vert. Mais où va-t-il ainsi, avec une telle précipitation? Des toilettes, Boswell de Boswell. Mais pourquoi? Indisposé, sans doute. Il n'y a pas de sans doute là-dedans. Il va encore être malade comme un chien. C'est sûr pis certain. Quand il vient vert de même, c'est qu'il va être malade. Je ne comprends pas. Pourtant, c'est excellent, le thé vert. Je vais rallumer la radio. Ça couvrira au moins le bruit. Ah, c'est de la bonne musique, ça, mon gars! Ah, ça va pas en bonne chanson, mais c'est pas bien pareil! Mais c'était quoi, cette tune-là? Ça s'intitulait Four Dad, une pièce de Christian Martin, interprétée par le Newport Orchestra. Très, très bien! Presque spirituel. Salut, mon gars! Wow! Il y a du monde ici cet après-midi! Qu'est-ce que c'est qui arrive? Pas un party, en tout cas, à vous voir tout le monde demain sur le bord de port. Je dirais plutôt un lendemain de veille. Ah, c'est le jeune qui a fait des folies pour son journal. Journal maudit. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est saoulé, Boswell de Boswell. What? C'est la pure vérité. Malheureusement. Avec quoi? De l'eau? Il boit pas. De la bière, à ce qu'on m'a dit. De la bière? De Boswell? Pensez pas qu'on pouvait se saouler à la bière? Ah, si. Mon premier mari, non, plutôt le deuxième, s'enivrait constamment à la bière. Pauvre Artémise. Cher ami. Well, c'est bien beau tout ça, but qu'est-ce que vous faites tout ici? Le malade a besoin de sa repos. Il faudra qu'il s'aille coucher. Pas de bout à s'accrocher après la porte. Mon Dieu, mais c'est qu'il a raison. Alors, éclipsons-nous en douce. En voyure, Mohan! Puis prends bien soin de toi, là! Rétablissez-vous bien vite, là, mon très cher monsieur. Vous êtes pris cet après-midi, cher ami? Que nenni! Je suis tout à vous! Maintenant, mon vieil, dans ta lettre. Moi, je vais aller dans la cuisine, et je vais te ramener une chose qui va t'aider. Plus ou moins. J'ai un peu moins mal à la tête, mais l'estomac, alors là. Ouh là là là là. Bien, mon vieil. Je t'amène une chose très bonne pour toi. Qu'est-ce que c'est? Un bon grand verre du lait de la noix de la coco. Toute fraîche. Oh, oh. That's strange. Il est venu toute verte, puis il est parti. I am peut-être pas ça, le lait de la noix de la coco. Les éditions de l'avenir vous ont présenté le PC Show avec Paul Courtemèche. Vos interprètes Carole Bassani dans le rôle de Madame Coudon, Gabriel Jean dans les rôles de Mac, de Pépère et de l'annonceur, et Christian Martin dans les rôles de Paul Courtemèche et du témoin. Le texte et les personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives et est une production 2013 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention, à bientôt.